Les aventures de Tintin par Hergé. Adapté par Catel Guillou. Avec la troupe des comédiens français. Le Lotus Bleu. Quatrième épisode. Au péril de sa vie, le célèbre reporter Tintin est retourné dans le centre de Shanghai pour tenter de trouver un remède au poison qui rend fou. Grâce à un heureux concours de circonstances, il a découvert qu'un aliéniste de renom, le professeur Fan Seyeng, résidait précisément dans la ville. Or, le soir même, le professeur a été enlevé par des brigands qui ont exigé une rançon en échange de sa libération. Alors qu'il s'apprêtait à partir à sa recherche, Tintin a été arrêté et remis aux autorités japonaises qui l'ont condamné à mort. Il n'a dû son salut qu'à l'ingéniosité de M. Wang, qui l'a d'abord aidé à s'évader de la prison avant d'organiser le vol d'une auto blindée de l'armée japonaise, leur permettant ainsi à tous deux de sortir d'une ville entièrement cadenassée par les militaires. Procédons par ordre, M. Wang. Si nous voulons sauver votre fils, il faut d'abord retrouver le professeur Fan Seyeng. Ensuite, nous nous occuperons de Mitsui Hirato et de sa bande. Vous avez sans doute raison, Tintin. Mais comment allez-vous faire pour retrouver le professeur? Je partirai demain matin pour Oku, sur le Yonsekiang. C'est là que la rançon du professeur doit être remise à ses ravisseurs. Le lendemain... Que se passe-t-il? Nous ne sommes pourtant pas arrivés au terminus. Le fleuve fondu ses digues. La voie est coupée. Et Oku, c'est encore loin? Environ 3 heures de marche. Allez, viens, Milou. Dis, Tintin. Pourquoi tous ces Chinois vont dans le sens inverse du nôtre? Excusez-moi, monsieur. Je suis bien dans la direction de Oku. Oui, mais vous ne pouvez pas y aller par là. Le fleuve envahit les routes. Tout le monde fuit l'inondation. J'entends Milou. Voilà le Yangtze-Kiang. Mon Dieu! Quelqu'un est en train de se noyer! Vite, Milou! Tenez bon! J'arrive! Je l'ai! Vite, Milou! Fais-moi le ramener sur la berge! Allez, courage, mon garçon. Respire. Respire. Regarde, Milou. Il vit. bien, ça va mieux. Tu étais en train de boire la grande tasse, hein. Comment t'appelles-tu? Moi, je me nomme Tintin. Moi, Chang Chong Chen. Mais pourquoi m'as-tu sauvé la vie? Quoi? Oui, pourquoi? Je croyais que tous les diables blancs étaient méchants, comme ceux qui ont massacré mon grand-père et ma grand-mère il y a longtemps. Mon père m'a dit que c'était pendant la guerre des points de justice. Ah oui, la guerre des boxeurs. Mais non, Chang, tous les blancs ne sont pas mauvais. Le problème, c'est que les peuples se connaissent mal. Beaucoup d'Européens, par exemple, s'imaginent que tous les Chinois sont des hommes fourbes et cruels, qui portent une natte et qui passent leur temps à inventer des supplices et à manger des œufs pourris et des nids d'hirondelles. Ah bon? Oui, et ils croient aussi dur comme fer que toutes les Chinoises ont des pieds minuscules et qu'aujourd'hui encore, on fait subir 1000 tortures aux petites filles pour empêcher leurs pieds de se développer normalement. Quelle drôle d'idée! Il y a même des gens qui sont persuadés que toutes les rivières de Chine sont pleines de bébés que l'on a jetés à l'eau dès leur naissance. Voilà, mon cher Chang, comment nombre d'Européens voient la Chine. Ah, ils sont doux, les habitants de ton pays, tata. Et maintenant, Chang, que vas-tu faire? Tu peux rentrer chez toi? Non. Mes parents sont morts dans l'inondation. Je n'ai nulle part où aller. Est-ce que je peux venir avec vous? C'est que... je vais peut-être courir de grands dangers, tu sais. Eh bien... à deux, nous serons plus forts. Tu es un garçon très courageux, Chang. Dans ce cas, j'accepte ton aide. Alors allons-y. En route pour Oukou. Je connais un raccourci. C'est par là. Pendant ce temps... Général, hein, je vous apporte des nouvelles de Tintin. Oh, vous savez où il se trouve? Je viens de recevoir un télégramme m'annonçant qu'il a pris ce matin le train pour Hangzhou. Hangzhou? Mais c'est un plateau d'État chinois. Tant qu'il est là-bas, nous ne pouvons rien contre lui. Oh, pardon, général. Je crois qu'il existe un moyen, au contraire. Ah oui? Et lequel? Je vais passer par Dawson, le chef de la police de la concession internationale. Je crois savoir qu'il a lui-même un vieux compte à régler avec Tintin. Vraiment? Votre idée est excellente, mon cher Mizu Hilaton. Laisse ça savoir si cela d'accord. Oh, je réponds de lui, général. Le lendemain... Monsieur Dawson? Oui. Monsieur Mizu Hirato est là, il souhaiterait vous voir. C'est bien qu'il entre. Bonjour, cher monsieur. Quel bon vent vous amène? Je viens vous demander un service. De quoi s'agit-il? Vous avez quelques raisons personnelles d'en vouloir au dénommé Tintin, je crois. En effet. Depuis son arrivée à Shanghai, ce blanc-bec ne cesse de narguer mes amis et mes services. Mais pourquoi cette question? Voici. Tintin se trouve en ce moment à Hangzhou. Je voudrais que vous le fassiez arrêter. L'arrêter? À Oukou? Mais c'est en territoire chinois. Vous savez bien que mes pouvoirs sont limités à la concession internationale. Ah, bien sûr, mais croyez-vous que la sûreté chinoise vous refuserait l'autorisation de poursuivre un Européen, même en dehors de la concession? Non, évidemment. Mais quel motif invoquer? Car enfin, aux yeux des Chinois, Tintin n'a commis aucun crime. Oh, le motif, rien de plus simple. Vous pourriez, par exemple... le soupçonner d'avoir participé à l'enlèvement du professeur Fanzhiyang. C'est une idée, en effet. Voici ce que je vous propose. Vous arrêtez Tintin. Vous le relâchez, faute de preuves, et par hasard, il tombe entre nos mains. Cela me paraît envisageable. Eh bien, marché conclu. Pendant ce temps... Et voilà Hangzhou. Quelle charmante petite ville. Mon père avait un ami ici. Nous pouvons aller lui demander l'hospitalité. Je suis sûre qu'il acceptera de nous héberger. Mes chers Dupont et Dupont, voici votre mandat d'amener. Merci, monsieur Dawson. Ainsi qu'un sauf-conduit émanant de la sûreté chinoise. Cela facilitera votre mission. Merci, monsieur Dawson. Si je puis me permettre, monsieur Dawson, quelle est la personne que nous devons arrêter? Il s'agit d'un jeune Européen qui répond au nom de Tintin. Tintin? Quoi? Vous le connaissez? En fait... C'est-à-dire... Peu importe, nous n'avons pas de temps à perdre. Un train part ce soir pour la région de Huku. Vous pouvez aller faire vos préparatifs. Bien, monsieur Dawson. Le lendemain... Quel métier, mon Dieu! Toute une nuit dans le train, et puis ce matin, 3 heures de marche. Enfin, nous voici à Huku. Nous avons bien fait de déguiser. Je te crois. Imagine-toi l'effet que nous aurions produit dans ce petit patelin si nous étions arrivés ici vêtus à l'européenne. Ne te retourne pas, j'ai l'impression qu'on nous suit. Regarde Tintin, deux blancs déguisés en mandarin, comme ils sont drôles. Mais je les connais, ce sont Dupont et Dupont. Ohé, mes amis. Tintin. Eh bien... Qu'avez-vous? Vous en faites une tête. Mon pauvre ami. Si tu savais... Oui, si tu savais... Mais enfin, que se passe-t-il? Expliquez-vous. Regarde. Un mandat d'arrêt à mon nom? Et ici, ordre aux autorités chinoises de se mettre à la disposition du porteur de la présence. Eh bien, faites ce que vous avez à faire. Je suis prêt à vous suivre, si telle est la loi. Que se passe-t-il, Tintin? Mon vieux Chang, je suis arrêté. Je dois suivre ces messieurs. Mais pourquoi? Adieu, mon ami. Et maintenant, c'est le commissaire de police. Monsieur le commissaire, nous venons d'arrêter ce jeune homme. Voici le papier qui nous autorise à opérer en territoire chinois. Attendez, voyons, qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai dû le ranger dans une autre poche. Sapristi, mais il n'est pas dans celle-ci non plus. Eh bien, ce papier... Mon Dieu, j'ai du mal à le remettre en poche après l'avoir montré à Tintin tout à l'heure. Attendez-moi, j'en reviens tout de suite. Mon Dieu, pourvu qu'il ne se soit pas envolé. Non. Ah, le voilà. Le voilà. Je l'ai retrouvé. Tenez, commissaire. Excusez-moi un instant, je vous prie. Mais que signifie ce rire, commissaire? Tu dirais vraiment qu'il se moque de nous. Je vais vous rendre ce précieux document. Et puis, vous vous en irez bien vite. Sans votre prisonnier, naturellement. Enfin, que faites-vous? C'est honteux. Abandonne, je viens. Je t'aime plus. Je t'en Ça ne se passera pas ainsi. Nous allons immédiatement accuser Shanghai de ce procédé inqualifiable. Quant à vous, jeune homme, vous êtes libre, évidemment. Je vous remercie, monsieur le commissaire. Et voilà. Tintin, ça y est, tu es libre. Oui, Chang, libre. Je n'y comprends rien. En lisant le document des Dupont, le commissaire a éclaté de rire et les a fait mettre à la porte. Tu ne trouves pas cela extraordinaire? Moi, pas du tout. Car le papier qu'ils ont présenté au commissaire, c'est moi-même qui l'ai écrit. Voici ce qui s'est passé. Le véritable document était tombé par terre. Quand vous êtes parti, je l'ai ramassé et je l'ai lu. J'ai aussitôt couru à la maison. J'ai pris une feuille de papier de même format et j'ai écrit dessus. Au cas où vous n'auriez pas remarqué que nous sommes de fous... En voici la preuve officielle. Et je t'ai remis ce papier à la place où j'avais trouvé l'autre. Je comprends mieux. Chang, tu es un véritable ami. Mais c'est pauvre Dupont et Dupont, tout de même. Ne les plains pas, Tintin. Cela leur servira de leçon. Bon, le temps presse. Allons chercher le professeur Fan Seiyang maintenant. Tu sais où se trouve le vieux temple près de la ville? Oui, suis-moi. Peu après, au bureau de poste de Huku. Veuillez envoyer tout de suite ce télégramme à l'adresse du chef de la police de la concession internationale à Shanghai. Mais toutes les communications télégraphiques avec Shanghai sont coupées, monsieur. Ben oui. Et pour quelle raison? Mais à cause des inondations, monsieur. Saper les papettes. Il va donc nous falloir retourner à Shanghai pour y prendre de nouveaux ordres. Oh. Pendant ce temps-là, à Shanghai... Ah, voilà le messager que j'attendais. Il vient sûrement m'annoncer que Tintin a été arrêté. Arrestation a eu lieu. Tintin libre. Attendons ordre. Oh, mille millions de samouraïs. Pénissons-en. Au grand mot, le grand remède. Qu'il disparaisse. Ces trois mots souffriront. Allez, retourne à Rancor. Portez ce message. Et vite. Regarde, Tintin, voilà le temple. Formidable, Chang. Tu es le meilleur guide que je connaisse. Ce temple doit certainement recevoir la visite de nombreux touristes. Regarde, il y a même un photographe à l'entrée. Oui. C'est la première fois que j'en vois un par ici. Une jolie photo, messieurs. Cela ne vous prendra pas plus de 5 minutes. Ça te dit, Chang? Si tu veux. Installez-vous là. Devant ce petit muret. Voilà. C'est parfait. Viens, Milou. Toi aussi, tu dois être sur la photo. Attention. Le petit oiseau va sortir. Un oiseau? Où ça? Oh oh oh oh oh oh oh oh Maman, il y a de s'étonner. Arrêtez! Viens, chinois! Je m'en vais t'apprendre à te mêler. Je ne regarde pas. Sale bête! Bats les pattes, scélérat. Je vous photographie à bout portant. À nous deux maintenant. Vous êtes japonais, n'est-ce pas? C'est Mitsui Rato qui vous a chargé de cette belle besogne. Oui, il a peur de vous. Vous possédez le poison au Raja Ija. Elle craint que si vous retrouvez le professeur Fan Seiyin, celui-ci parvienne à trouver un remède. C'est pour ça qu'il l'a fait enlever. Ah, c'est donc lui. Mais alors la lettre dans laquelle Fan Seiyang accuse les bandits chinois... Cette lettre était un faux destiné à lancer la police sur une fausse piste. Un faux, j'aurais dû m'en douter. Et par conséquent, le professeur Fan Seiyang n'est pas dans ce temple. Alors où est-il? Je l'ignore. Vous mentez. Je vous jure que je dis la vérité. Seul Mitsui Rato sait où se trouve le professeur. Bon. Nous allons redescendre à Huku et remettre ce bandit à la police chinoise. Mais Tintin, tu es blessé. Regarde, tu saignes. Ce n'est rien, Chang. La balle a seulement éraflé mon épaule. Merci, jeune homme. Et soyez sans crainte. Désormais, ce bandit est hors d'état de nuire. Bien, le voilà sous les verrous. Et maintenant, Chang, puisque Mitsui Rato ne vient pas à nous, nous irons à Mitsui Rato. Qu'en dis-tu? D'accord. Alors en avant. Et en route pour Shanghai. Quelques heures plus tard... le train de Shanghai qui arrive. C'est bien. Nous n'aurons pas eu à l'attendre trop longtemps. Mais... Quel métier. Mais... Quel métier. Les Dupont. Tata. Vite, Chang. Sinon. Attends. Ça va? Il est cassé. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, monsieur Lagorge. Je suivais mon collègue. Je l'ai vu heurter cette valise et tomber. C'est un accident stupide. Bon. Éloignez-vous du quai. Le train va bientôt repartir. Eh ben, mon vieux. Ça va mieux? Tiens. Quoi? Tintin. Quoi? Tintin. Quoi, Tintin? Oui, c'est bien lui que nous venons chercher, alors. Je l'ai vu. Tu l'as vu? Où ça? Mais là, sur le quai. Sur le quai? Il attendait le train. Comment? Ce train? Mais oui, le train pour Shanghai. Oh, ça perd l'hypopète. Vas-y, du pont. Allez, courage. Ce que quelques mètres. Et voilà pour vous, monsieur. Vous avez le même pansement que votre ami. Comme ça, pas de jaloux. Et maintenant, voyez ça. Ah. Oh. J'allais le rattraper, je te jure. Mais j'ai pas vu que j'étais arrivé au bout du quai. Oh, mais il n'y a qu'une chose à faire. Hein? Télégraphier à Shanghai pour qu'on le cueille à la descente du train. C'est douloureux. C'était Le Lotus Bleu d'Hergé, une coproduction France Culture, Hergé Moulinsart et la Comédie Française. Adaptation Catel Guillou. Musique originale, Olivier Daviaud. Orchestrée par Didier Benetti pour l'Orchestre National de France. Avec Michel Favori, Monsieur Wang, Christian Blanc, Mitsui Rato, Serge Bagdasarian, Dupont, Pierre-Louis Calixte, le photographe, Christian Eck, Dupont, Nazim Boudjina, Dawson, Jérémy Lopez, Milou, Elliot Junico, le commissaire de Oukou, Noam Morgenstern, Tintin, Claire de la rue du Camp, Chang, Didier Sandre, le narrateur, et les voix de Mariana Granchi, Théo Combi-Lemaître, Hugues Duchesne et Laurent Robert. Coach en prononciation, Yéling Yang. Bruitage, Sophie Bissens et Elodie Fiat. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Pierre Mine et Émilie Couette. Prise de son musicale, montage et mixage, Jean-Michel Bernot, Alison Ascrisi et Alice Legros. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Benjamin Habitant.